Chapitre 1. Le vieux quartier latin a disparu avec la dernière grisette. Le temps n'est plus où les étudiants tenaient à honneur de ne jamais quitter la rive gauche. Maintenant, ils passent volontiers les ponts et ils se répandent sur les grands boulevards, comme ils les appellent, pour les distinguer du boulevard Saint-Michel, qu'ils nomment familièrement le Boulmiche. Quelques-uns même demeurent de l'autre côté de l'eau et viennent au cours en voiture quand ils y viennent. Pourtant, sur les hauteurs de la montagne Sainte-Geneviève, on trouverait encore, en cherchant bien, des représentants d'un autre âge, des attardés fidèles à la tenue et aux mœurs de leurs devanciers. Ceux-là arborent des coiffures étranges, fument la pipe en buvant des bocs devant les cafés de la rue Soufflot, font queue au théâtre de Cluny, dansent à la closerie des Lilas, et croient fermement que l'univers finit au petit bras de la Seine. Ces convaincus sont rares, si rares que l'année dernière, on en comptait jusqu'à deux, que les nouveaux venus se montraient comme des phénomènes. Encore se distinguaient-ils des étudiants d'autrefois en ce point qu'ils avaient tous les deux de la fortune et qu'il n'aurait tenu qu'à eux de mener une autre existence. C'était par vocation qu'ils vivaient de la vie du quartier. L'un des deux était même assez riche et assez bien apparenté pour faire bonne figure ailleurs. Il s'appelait Jean de Mirande et, à sa majorité, il était entré en possession d'une vingtaine de mille francs de rente, sans compter la perspective d'hériter plus tard d'un oncle millionnaire et célibataire qui avait été son tuteur. Il est vrai qu'il ne comptait guère sur cette succession, car le susdit oncle était solide comme le pont du Gard, bâti par les Romains, et de plus complètement brouillé avec son neveu, depuis que ce neveu s'était avisé de déroger aux traditions de ses nobles aïeux en s'enrôlant dans la bohème scolaire. Le Pylade de cet Oreste du pays latin ne descendait pas des croisées, et même il ne sortait pas, comme on dit vulgairement, de la cuisse de Jupiter. Sa mère, veuve d'un facteur aux Halles, avait amassé une très honnête aisance en vendant des primeurs à la pointe Saint-Eustache, et servait une pension de 600 francs par mois à son unique rejeton, qu'elle ne voyait pas souvent, car elle demeurait rue des Tournelles au Marais, et Paul ne s'éloignait guère du Panthéon. Les deux amis ne se ressemblaient pas du tout. Jean était brun, grand, large d'épaules. Il aurait fait un superbe cuirassier, et il était fier de sa taille et de sa force. Paul, blond, mince et délicat, avait un peu l'air d'une demoiselle. Jean aimait les aventures tapageuses, les assauts de beuverie et les conquêtes à la hussarde. Rageur et querelleur avec cela, il ne parlait que de pourfendre, et il pourfendait, quelquefois. Paul, qui pourtant n'était pas poltron, préférait aux batailles de brasserie les promenades sentimentales, sous les arbres de l'avenue de l'Observatoire. Mais ses goûts paisibles ne l'empêchaient pas d'être de toutes les joyeuses parties arrangées par le turbulent Jean de Mirande. Il s'était lié en vertu d'une loi naturelle, à laquelle nous obéissons tous, l'instinct qui nous pousse à fusionner les races, et aussi parce que Jean avait, un soir, énergiquement et victorieusement, défendu Paul Cornier, assailli par une bande de messieurs à accroche-cœur, venus de la rive droite pour envahir le bal Bullier. Et, dernier contraste entre ces inséparables, Jean, dont les ancêtres auraient pu monter dans les carrosses du roi, Jean donnait dans les idées nouvelles. Il allait jusqu'au nihilisme, inclusivement, tandis que Paul, fils de commerçant, prétendait regretter l'ancien régime. Paul aurait donné 10 ans de sa vie pour être aimé d'une duchesse. Jean s'accommodait fort bien des petites ouvrières, en rupture d'atelier, et des chanteuses de café-concert, dits beuglants, qui constituent le fond du monde galant d'outre-Seine. En quoi il n'avait pas tout à fait tort, car il régnait sans partage sur le cœur de ces donzelles faciles, et Paul n'avait pas encore subjugué la moindre grande dame. Paul aurait voulu que son ami le présentât dans les salons du noble faubourg, où Jean de Mirande aurait pu être reçu, à cause de son nom et qu'il fuyait comme la peste. Mais quand Paul exprimait ce désir ambitieux, Jean lui riait au nez et l'emmenait dîner chez Foyot. Foyot est le café anglais du quartier. Ces messieurs y mangeaient habituellement, sans dédaigner cependant de dîner quelquefois dans les bouillons d'alentour, à seule fin de rester populaire parmi les étudiants moins opulents qu'eux. Le dimanche, pendant la belle saison, Oreste et Pylade se montraient au Luxembourg, à l'heure de la musique, et ces jours-là, ils faisaient des concessions à la mode, en s'habillant d'une façon moins excentrique. L'an passé, donc, par une claire journée dominicale du mois de mai, ils se promenaient, bras dessus, bras dessous, sur la terrasse qui domine le grand bassin central, du côté de la rue de Fleurus. C'est là que s'assemblent, pour jouir du concert gratuit, les habitantes de ces régions reculées. Honnêtes bourgeoises, assises en rond sur des chaises de louage et flanquées de demoiselles à marier. Bonne d'enfant, entourée de marmots et de militaires non gradés, habituée de la closerie des Lilas, circulant par groupes de deux ou trois et blaguant les mères de famille. Le ciel était splendide. Les marronniers en fleurs embaumaient l'air tiède. Le printemps faisait sa rentrée, après 6 mois de relâche, pour cause de brouillard et de frimas. Les arbres et les femmes avaient des toilettes neuves. Jean Cormier, lui aussi, s'était fait beau. Il portait une redingote noire, coupée par un bon tailleur, un joli pantalon de fantaisie et des bottines pointues, ni plus ni moins qu'un gommeux remontant les Champs-Élysées à l'heure où les équipages reviennent du bois. Et cette tenue élégante lui allait à merveille. Jean de Mirande avait endossé, pour la circonstance, une espèce de juste au corps en velours violet, boutonné jusqu'au menton. Il avait chaussé des bottes molles, montant jusqu'aux genoux sur une culotte gris-perle, extra-collante, et pour compléter ce mirifique costume, il s'était coiffé comme un calabrais d'opéra comique, d'un feutre pointu, orné d'un large ruban vert. Et ainsi accoutré, il ne paraissait pas trop ridicule. Sa haute mine sauvait tout et nul n'était tenté de se moquer de lui en face. Les hommes attendaient pour hausser les épaules qu'il leur tourna le dos. Les jeunes filles de bonne maison le suivaient des yeux à la dérobée, et les mamans pensaient « Voilà un beau gars !» Lui marchait la tête haute et la moustache au vent, remorquant son camarade qui s'arrêtait souvent pour regarder les femmes, et qui ne passait point inaperçu, quoiqu'il n'eût ni l'imposante prestance ni les airs vainqueurs du beau Mirande, roi des écoles et bourreau des crânes. En arrivant sur la terrasse, Paul Cormier avait avisé, assise contre le piédestal d'une statue, une personne charmante. Elle était sans cavalier, mais sans doute elle ne comptait pas rester seule jusqu'à la fin du concert, car elle gardait deux chaises près de celle qu'elle occupait. Paul, qui ne manquait jamais la musique le dimanche, et qui tous les jours traversait le jardin plutôt deux fois qu'une, Paul ne l'y avait jamais rencontré. Donc elle venait de la rive droite. Sa toilette le disait assez. Une toilette élégante et de bon goût, comme on en voit peu dans les environs de Saint-Sulpice. Du reste, elle ne semblait pas s'apercevoir qu'elle attirait l'attention de ce joli blond qui lui décochait une œillade brûlante chaque fois qu'il passait devant elle. Et Paul se demandait déjà s'il avait enfin rencontré ce qu'il cherchait. Était-ce bien le début d'une aventure? Il l'espérait presque, et il s'y serait volontiers embarqué sans savoir où elle le conduirait. S'il avait pu prévoir comment elle devait finir, il aurait certainement hésité. La dame lisait un livre à couverture jaune, sans doute un roman nouveau, et ce roman devait être fort intéressant, car elle ne levait pas les yeux. Paul Cormier, qui la lorgnait inutilement, commençait à se lasser de ce manège improductif, lorsque Mirande, s'arrêtant tout à coup, lui dit « Ah ça, qu'est-ce que tu as donc à te retourner à chaque instant? J'en ai assez de te traîner comme un cheval rétif qu'on mène par la figure et qui tire au renard. » « Une femme adorable, mon cher, » murmura Cormier, en serrant le bras de son ami. « Où donc? Cette liseuse, là-bas, au pied d'une statue? Elle n'est pas mal, mais ce n'est pas la peine de risquer d'attraper un torticolis pour la contempler. Aborde-la carrément. Tu ne vois donc pas que c'est une femme du monde, une vraie? Décidément, tu es encore plus jobard que je le pensais. C'est toi qui as la manie de prendre toutes les femmes pour des drôlesses. Celle-là est seule en ce moment, mais elle attend quelqu'un, son mari très probablement. Allons donc, elle attend quelqu'un, oui, seulement elle ne sait pas qui, toi si le cœur t'en dit. Ou moi, si je voulais, mais moi, je ne veux pas. Elle me déplaît, ta princesse, avec son air en dessous. Et puis ce soir, j'offre à dîner à deux ou trois jolies filles qui s'amusent de bon jeu. Bon argent, au lieu de faire les pains bêches. Maria, l'élève de la maternité, et Georgette, une petite actrice des nouveautés, gaie comme un pinson. Lâche ta femme, honnête, je t'invite. Nous aurons en plus Vera, la russe, externe à la pitié. Une nihiliste, merci. Ton apprentie accoucheuse et ta figurante ne me tentent pas non plus. « Du reste, tu sais bien qu'aujourd'hui, dimanche, je dîne chez ma mère. »« Blagueur, va. Dis donc plutôt que tu as envie de suivre ta marquise de carton. »« Faut-il que tu sois naïf. Ça, une grande dame. Une horizontale, tout au plus. Et de petites marques, mon pauvre Paul. Je m'y connais. »« Tu crois t'y connaître, et tu n'y entends rien. »« Ah, c'est comme ça. Tu prétends m'en remontrer. Eh bien, je vais te donner une leçon. Tu vas voir comment on s'y prend pour faire connaissance avec une princesse qui vient chercher fortune à la musique du Luxembourg. » Et dégageant son bras, Mirande alla droit à la liseuse. Paul essaya de le retenir. Il n'y réussit pas et il resta, planté sur ses jambes au milieu de la terrasse, et fort embarrassé de sa contenance, pendant qu'à 10 pas de lui, le beau Mirande s'asseyait sans façon sur une des chaises restées libres à côté de la dame. Cette fois, elle leva la tête, mais elle se montra dans toute sa radieuse beauté. C'était une blonde aux yeux noirs, une blonde qui avait le teint mat et chaud d'une espagnole de Séville, avec la physionomie intelligente et vive d'une parisienne de Paris. Pas du tout intimidée d'ailleurs. « Pardon, madame, commença Mirande en retroussant sa moustache. Vous devez vous ennuyer toute seule, et je me suis dit... » Il n'acheva pas sa phrase. La dame le regardait fixement, et ses yeux n'exprimaient que le dédain. Mais un dédain si calme et si fier qu'il s'arrêta net. Les grosses galanteries qu'il allait débiter lui restèrent dans le gosier. Et alors se joua une scène muette qui ravidait l'ami Paul. Déconcerté par ce regard froid et par ce silence hautain, Mirande ôta son chapeau qu'il avait, d'un geste conquérant, enfoncé sur sa tête avant de s'emparer de la chaise vacante, alors qu'il croyait à une victoire facile. Se découvrir poliment, ce n'était pas assez pour réparer sa première inconvenance, et la dame continuait à le dévisager, sans lui adresser la parole. Il se décida à se lever, et il cherchait un mot pour se tirer le moins mal possible de la sotte situation où il s'était mis, lorsqu'il vit debout, devant lui, un monsieur vêtu de noir, qui s'était approché sans qu'il l'entendît venir. « Enfin, s'écria-t-il tout heureux de consoler son amour-propre en cherchant noise à quelqu'un, enfin je trouve à qui parler. » Jean de Mirande s'était bien aperçu que la blonde inconnue le trouvait ridicule, et il était d'autant plus vexé que Paul Cormier assistait de loin à sa défaite. Paul Cormier, qu'il comptait éblouir en faisant, au pied levé, la conquête d'une femme jeune, jolie et parfaitement distinguée, quoi qu'il en eût dit avant de l'aborder. Et pour se relever aux yeux de son ami de cet échec humiliant, il n'avait rien imaginé de mieux que d'apostropher un monsieur, père, frère ou mari, très probablement, de cette grande mondaine, fourvoyée au Luxembourg. Ce personnage qui venait de surgir tout à coup, comme un diable jailli d'une boîte à surprise, montrait un visage complètement rasé, sauf une paire de favoris, coupée au milieu de l'oreille, et portait à la boutonnière de sa longue redingote un mince ruban rouge. Il avait tout à fait l'air d'un officier en demi-solde, un de ces types de grognards licenciés comme on en voyait du temps de la Restauration, et comme on en voit encore dans les dessins de Charlet. Grands traits qui semblaient avoir été taillés à coups de hache, regard dur, physionomie chagrine. Au lieu d'interpeller Mirande, qui s'y attendait et se préparait à répliquer vertement, l'homme vêtu de noir vint, sans dire un mot, se placer entre l'étudiant et la liseuse qui ne lisait plus. Mirande crut que ce protecteur muet allait s'asseoir, afin d'établir par cette prise de possession son droit de défendre la belle inconnue, mais le protecteur resta debout, fronçant le sourcil, pinçant les lèvres et opposant sa large poitrine à toute tentative d'occupation. « Monsieur, » dit Jean un peu déconcerté par ce sang-froid, « je viens d'aborder cavalièrement, madame, qui, je le suppose, vous tient de près. Si vous n'êtes pas content, je suis à vos ordres et je vous laisse le choix des armes. Vous pouvez m'envoyer vos témoins demain matin. » Jean de Mirande, boulevard Saint-Germain, 119. Je les attendrai jusqu'à midi. Je n'ai que faire de votre adresse, répondit sèchement le monsieur. Passez votre chemin. Alors, vous ne voulez pas vous aligner? Très bien. Je me suis trompé. Je vous prenais pour un ancien militaire à cause de ce bout de ruban. Je m'aperçois que j'ai affaire à un bourgeois décoré par l'intermédiaire de l'agence Limousin. Puisque vous ne vous battez pas, je n'ai plus rien à vous dire. Gardez bien, madame, votre épouse et au plaisir de ne jamais vous revoir. Après avoir lâché cette dernière impertinence, Mirande pirouetta sur ses talons avec la désinvolture d'un marquis d'autrefois et s'en alla rejoindre Paul Cormier. Il était resté à distance, cet excellent Paul, et assez embarrassé de sa situation. De la place où il semblait avoir pris racine au milieu de la terrasse, il n'entendait pas les paroles agressives que lançait Jean, mais il suivait de l'œil ses mouvements. Il comprenait très bien que son incorrigible ami cherchait querelle au défenseur de la dame blonde, et il ne fut pas peu surpris de le voir battre en retraite. « Eh bien, lui demanda-t-il sans pouvoir s'empêcher de sourire, as-tu réussi ?»« Mon cher, répliqua sèchement Mirande, je suis tombé sur une rouée qui me l'a faite à la pose. Pour lui montrer que je n'étais pas sa dupe, j'ai proposé la botte à cet escogriffe, qui lui sert de garde du corps. Il a canné. Il a cependant l'air d'un ancien officier. Lui, jamais de la vie. Le ruban qu'il porte doit être celui d'un ordre des îles Mariannes. J'aurais dû le gifler. Il est encore temps et je vais... Tiens-toi en repos, je te prie. » Tu te ferais mettre au poste. Pense à ces demoiselles que tu as invitées à dîner chez Foyot. La douce Vera te jettera du vitriol à la figure si tu l'as planté là. Il faut que je corrige ce drôle. La blonde Vera que je ne me laisse pas berner. Cette blonde ne s'occupe plus de toi. Elle a repris sa lecture. Elle y est plongée. Quant au chevalier noir, le voilà qui s'en va se mêler au badaud occupé à regarder jouer au ballon. Cet homme n'est qu'un domestique. Un mari ou un amant se serait campé sur la chaise. Tu as raison, au fait. On ne se bat pas avec un valet. Allons-nous-en pour que je ne voie plus sa vilaine tête. Si je me trouvais encore bec à bec avec lui, l'envie me prendrait de lui tomber dessus, et je n'y résisterais pas. » Paul s'empressa d'entraîner son rancuneux camarade, et Jean se laissa faire. Mais avant d'arriver au bout de la terrasse, ils donnèrent en plein dans une chaîne de femmes qui leur barrèrent le passage. Elles étaient quatre qui se tenaient par le bras, comme des escoliers du Moyen-Âge, et qui scandalisaient par leurs airs évaporés et leurs toilettes bizarres les familles bourgeoises rangées en espalier des deux côtés de la terrasse. Il y avait Maria, l'élève sage-femme, coiffée d'un immense chapeau de paille orné de fleurs des champs. Il y avait Vera, l'externe nihiliste, coiffée d'un béret rouge, et deux échappées des petits théâtres de la rive droite, plus élégamment habillées, celles-là, mais pas moins tapageuses. Toutes les quatre fumaient des cigarettes turques, offertes par l'étudiante russe. Les gardiens du jardin les regardaient de travers. Mais au Luxembourg, on n'est pas si collé monté qu'aux Tuileries, et les habitués y ont leur coup des franches. Ce fut une fête en plein air que cette rencontre entre ces émancipés et les deux étudiants les plus chics du pays latin. Il y eut des cris de joie et des accolades à grands bras. Maria proposa de se prendre tous par la main et de danser en chantant la ronde du pont d'Avignon. Peu s'en fallut qu'on ne s'y mît. Mais Paul Cormier modéra ses ardeurs en disant gaiement « Veuillez remarquer, mesdames, que je suis aujourd'hui en tenue d'homme sérieux. Respectez ma redingote noire et mon chapeau haut de forme. » « T'as raison, mon petit, s'écria mademoiselle Zoé, figurant au théâtre Beaumarchais. Si tu gigotais ici devant les femmes, comme il faut du quartier, ça te ferait du tort pour te marier. Pas de bêtises, Popol. Épouse la fille d'un épicier cossu, et quand tu auras le sac, n'oublie pas tes petites camarades. » Paul ne songeait guère à se marier, mais la dame au livre n'était pas loin. En se retournant, il s'était aperçu qu'elle le regardait, et il ne se souciait pas de danser une farandole, sous les yeux de cette blonde qu'il persistait à trouver charmante et distinguée, en dépit des sarcasmes du beau Mirande, vexé d'avoir été éconduit. « Ils sont trop verts, » pensait Paul Cormier. Si elle avait daigné lui répondre, quand il l'a abordée, il déclarerait qu'elle est adorable, et il ne m'est pas démontré qu'elle recevrait aussi dédaigneusement un hommage plus discret. Le refus de Paul fut appuyé par mademoiselle Vera. Cette jeune personne, qui portait les cheveux courts comme un garçon, et une mante de serge blanche taillée comme les touloupes, des paysans russes, n'était pas précisément jolie, avec son teint chlorotique et son nez à la Roxelane, mais elle avait des yeux verts d'un éclat singulier et d'une mobilité troublante. Elle déclara que, libre penseuse et citoyenne de la future République universelle, elle rougirait de se donner en spectacle aux villes bourgeois qui attristaient de leur présence le jardin du Luxembourg. « Tu aimerais mieux pétroler le palais, moi aussi, » dit le seigneur de Mirande. Heureusement, son oncle n'était pas là pour l'entendre. « Eh bien, reprit-il gaiement, chère Vera, qui vivra Vera ?»« Ou un calembour, » ricana une des cabotines. « Voilà Mirande qui joue les Christians à la ville. »« Mes enfants, il ne s'agit pas du tout de ça, » dit Maria. « On s'embête ici, au milieu de tous ces types. »« Tu paies à dîner, pas vrai, mon vieux Jean ?»« À dîner, à souper, tout ce que vous voudrez, mes petites reines. »« Alors il est temps d'aller prendre l'absinthe au boule-miche. »« Allons-y, » conclut Mirande. « En es-tu, Paul ?»« Non, je dîne chez ma mère. Je te l'ai déjà dit. » « Tiens, s'écria Zoé, j'ai vu jouer une pièce qui s'appelle comme ça. » « En route, » reprit Maria, en s'emparant du bras de Jean. Ses aimables compagnes entourèrent le couple, et le groupe tumultueux roula comme une avalanche vers le grand escalier de la terrasse. Trop heureux d'être délivré de leur bruyante société, Paul Cormier les laissa partir sans regret. Il l'avait entraîné assez loin de la dame blonde. Il lui tardait de la revoir et d'essayer d'attirer son attention, car il ne désespérait pas de lui plaire en s'y prenant autrement que ne l'avait fait Mirande. Il tenait d'autant plus à tenter l'aventure que pareille occasion ne s'offrirait peut-être plus jamais de réaliser le rêve de toute sa vie. Ce rêve ambitieux était de se faire aimer d'une femme, du vrai monde, et celle-là en était certainement, quoi qu'en pût dire ce Jean qui ne croyait à rien. Il s'agissait maintenant de manœuvrer adroitement, et Paul avait à choisir entre deux parties. Ou aborder à son tour la liseuse, sous prétexte de lui présenter les excuses de son ami, en lui disant que cet ami était gris, ou bien se contenter de la saluer respectueusement, afin de marquer par cette politesse discrète que lui, Paul Cormier, désapprouvait la conduite de son camarade, au chapeau pointu, et se tenait prêt à réparer les torts de ce garçon mal élevé, pour peu qu'elle voulût l'y encourager d'un coup d'œil. Paul penchait pour cette dernière façon de procéder, qui convenait mieux à son tempérament, et il en était déjà à se composer une attitude pour ne pas manquer son effet, quand il s'aperçut que la place était vide. La dame avait levé le siège, pendant qu'il se défendait contre les instances des invités de m'y rendre, et il eut beau chercher de tous les côtés, il ne retrouva ni elle ni son chevalier noir. « Allons, murmura-t-il tristement, j'arrive trop tard, et il ne me reste même pas la ressource de la suivre pour voir où elle demeure. » Elle a dû remonter dans son équipage qui l'attendait à une des portes du jardin. L'ange blond s'est envolé, et je ne le reverrai plus. Bah, qui sait? En venant tous les jours sur cette terrasse, je l'y rencontrerai peut-être, et j'aurai soin d'y venir sans ce grand fou de m'y rendre. Médiocrement consolé par ce très vague espoir, Paul s'achemina vers la grille qui fait face aux galeries de l'Odéon. Il s'était résigné à s'en aller rue des Tournelles chez sa mère, qui l'attendait pour dîner. Il y a tout près de cette sortie du Luxembourg une station de fiacre, et il comptait en prendre un. Le concert tirait à sa fin. Les amateurs de musique en plein vent commençaient à se disperser, et le gros de la foule s'écoulait du côté de la rue de Vaugirard. Paul suivit le torrent. Après avoir passé devant la fontaine de Médicis, il franchit la grille et avant de remonter à droite, du côté où stationnent les voitures de place, il s'arrêta un instant sur le trottoir pour allumer un cigare. Quand ce fut fait, en regardant machinalement devant lui, il avisa au coin de la rue Corneille un coupé de maître, attelé de deux beaux chevaux bais bruns. Un cocher majestueux, haut perché sur son siège, avait les guides en main et le fouet appuyé sur la cuisse droite. Un valet de pied, en livrée sombre, se tenait debout près de la portière. Paul, qui avait la prétention d'être connaisseur en équipage, se mit à admirer celui-là. Les glaces étaient levées, quoiqu'il fît très chaud, mais il crut voir à travers la vitre un visage féminin qui disparut aussitôt. C'en était assez pour exciter la curiosité d'un flâneur, mais Paul se dit qu'il ferait une sottise en allant regarder de plus près une princesse aussi bien gardée, et passa, non sans se retourner trois fois. À la troisième, il constata que le coupé n'était plus là. Il avait dû tourner rapidement et filer vers la place de l'Odéon. Paul continua son chemin sans se presser. Arrivé à la station, il ouvrit la portière du fiacre qui tenait la tête de la file et il allait y monter lorsqu'une femme y entra du côté opposé et y prit place tranquillement. Il n'avait nulle envie de constater le droit de priorité de cette dame et il recula pour se mettre en quête d'une autre voiture. Mais l'inconnue lui dit « Venez, monsieur ». Elle avait rabattu sur sa figure une épaisse voilette de blonde noire et Paul ne pouvait pas voir si elle était jolie. Mais la voix était douce, la tournure distinguée, la toilette élégante. C'était décidément la journée aux aventures. « Au rond-point des Champs-Élysées, reprit la dame. » Paul Cormier tombait de son haut. Elle lui parlait, comme elle aurait parlé à un de ses commissionnaires, qui ouvre aux stations les portières des fiacres. Il aurait dû la planter là, mais c'était si drôle qu'il se décida tout de suite à répéter au cocher l'ordre qu'elle venait de donner et à prendre place à côté d'elle dans la voiture. Le romanesque Paul aimait l'imprévu. Il était servi à souhait. Mais il n'augurait pas très bien de cette nouvelle aventure. Il savait que les grandes mondaines n'ont pas coutume de se jeter ainsi à la tête d'un monsieur qu'elles n'ont jamais vu, et il pensait que cette personne, un peu trop sans façon, pouvait bien n'être qu'une farceuse en quête d'une liaison passagère et productive. Elle avait cependant si bon air qu'il pouvait savoir à quoi s'en tenir sur ses intentions. Il lui restait tout le temps de faire avec elle, avant d'aller dîner au Marais, une promenade qui éclaircirait ce petit mystère. Et rien ne l'empêcherait ensuite de fausser compagnie à la promeneuse, s'il s'apercevait qu'elle ne valait pas la peine d'être conquise. Elle ne le fit pas languir. Le fiacre commençait à peine à descendre la rue de Tournon, et Paul en était encore à chercher une phrase pour entamer la conversation quand elle releva sa voilette. Cette inconnue, c'était la blonde aux yeux noirs que Jean de Mirande avait abordée si audacieusement et avec si peu de succès sur la terrasse du jardin. Elle regardait Paul en souriant, et elle paraissait s'amuser de son étonnement et de son trouble. « Quoi, madame ? » dit-il assez gauchement. « C'est vous qui, tout à l'heure ?»« Oui, monsieur, » répondit-elle sans paraître embarrassée. « C'est moi qui étais assise, là-bas, sous les grands marronniers, quand votre ami s'est permis de m'adresser la parole. »« Je vous prie de croire, madame, que j'ai fait ce que j'ai pu pour l'empêcher de commettre cette inconvenance. »« Je le sais, monsieur. J'ai très bien vu que vous avez essayé de le retenir, et j'ai deviné que vous le désapprouviez. »« Oh, absolument. Je n'en doute pas. C'est ce qui m'a fait désirer de vous connaître. » L'explication ne laissait pas que d'être flatteuse pour Paul Cormier, mais elle n'excusait pas l'allure, pour le moins excentrique, de cette dame qui, pour faire connaissance avec un jeune homme qu'elle venait de voir pour la première fois, n'imaginait rien de mieux que d'envahir un fiacre où il montait et de lui commander de l'accompagner à l'autre bout de Paris. Il n'aurait plus manqué que de baisser les stores. Elle ne s'en avisa point, ni Paul non plus, car il avait beau se dire qu'il était tombé sur une chercheuse de rencontres, il ne parvenait pas à se le persuader. Tant l'air de ces deux blondes énigmatiques était en désaccord avec sa conduite. Il y avait dans toute sa personne et dans le ton qu'elle avait pris un je ne sais quoi qui commandait sinon le respect au moins des égards. Et au risque d'être dupe, Paul ne put pas se décider à lui parler autrement qu'il ne l'aurait fait dans un salon. « Quel dommage, reprit-elle, qu'un homme si bien né soit si mal élevé. »« Comment savez-vous qu'il est bien né ?» demanda Paul. « Il ne s'est assis près de moi qu'un instant, et il a trouvé le temps de dire son nom. Je crois même qu'il y a ajouté son adresse. »« Et son nom vous était connu ?» demanda Paul, très étonné. « Oh, depuis bien des années. Sa famille est une des plus anciennes et une des plus illustres du Languedoc. » Cormier pensa tristement que la sienne ne remontait pas si loin, et que sa notoriété ne s'était jamais étendue au-delà du quartier des Halles, mais il ne laissa pas voir à la dame qu'elle venait de l'humilier sans le vouloir. Il se contenta de répondre. Jean eût été bien fier s'il avait su que pour vous, il n'était pas le premier venu. Pourquoi ne lui avez-vous pas dit ?